Le monde ou ce qui manque aux riches. Il se hâta de brosser son habit et de descendre. Il était en retard. Un sous-maître le gronda sévèrement. Au lieu de chercher à se justifier, Julien croisa les bras sur sa poitrine. « Peccavi, pater optime. J'ai péché, j'avoue ma faute, ô mon père, » dit-il d'un air contrit. Ce début eut un grand succès. Julien se vit l'objet de la curiosité générale, mais on ne trouva chez lui que réserve et silence. Peu de jours après, Julien eut à choisir un confesseur. On lui présenta une liste. « Eh bon Dieu, pour qui me prend-on » se dit-il. « Croit-on que je ne comprenne pas ce que parler veut dire ?» Et il choisit l'abbé Pirard. Toutes les premières démarches de notre héros qui se croyait si prudent furent, comme le choix d'un confesseur, des étourderies. Égaré par toute la présomption d'un homme à imagination, il prenait ses intentions pour des faits et se croyait un hypocrite consommé. Sa folie allait jusqu'à se reprocher ses succès dans cet art de la faiblesse. « Hélas, c'est ma seule arme. À une autre époque, se disait-il, c'est par des actions parlantes en face de l'ennemi que j'aurais gagné mon pain. » Le reste des 321 séminaristes ne se composait que d'êtres grossiers qui n'étaient pas bien sûrs de comprendre les mots latins qu'ils répétaient tout le long de la journée. Presque tous étaient des fils de paysans. L'Église de France semble avoir compris que les livres sont ses vrais ennemis. C'est la soumission du cœur qui est tout à ses yeux. Réussir dans les études, même sacrées, lui est suspect, et à bon droit. Julien, pénétrant à demi ces diverses vérités, que cependant toutes les paroles prononcées dans un séminaire tendent à démentir, tombait dans une mélancolie profonde. La mélancolie de Julien, aidée par la médiocre nourriture que fournissait au séminaire l'entrepreneur des dîners à 83 centimes, commençait à influer sur sa santé, lorsqu'un matin, Fouquet parut tout à coup dans sa chambre. « Enfin, j'ai pu entrer. » Je suis venu 5 fois à Besançon, sans reproche, pour te voir. Toujours visage de bois. J'ai aposté quelqu'un à la porte du séminaire. Pourquoi diable est-ce que tu ne sors jamais? C'est une épreuve que je me suis imposée. Je te trouve bien changé. Enfin, je te revois. La conversation fut infinie entre les deux amis. Julien changea de couleur lorsque Fouquet lui dit « À propos, sais-tu, la mère de tes élèves est tombée dans la plus haute dévotion. » Et il parlait de cet air dégagé qui fait une si singulière impression sur l'âme passionnée de laquelle on bouleverse, sans s'en douter, les plus chers intérêts. « Oui, mon ami, dans la dévotion la plus exaltée, on dit qu'elle fait des pèlerinages. » Cette visite eût fait une profonde impression sur notre héros si, dès le lendemain, un mot que lui adressa ce petit séminariste de Verrières, qui lui semblait si enfant, ne lui eût fait faire une importante découverte. À la vérité, les actions importantes de sa vie étaient savamment conduites. Mais il ne soignait pas les détails, et les habiles au séminaire ne regardent qu'aux détails. Aussi passait-il parmi ses camarades pour un esprit fort. Il avait été trahi par une foule de petites actions. À leurs yeux, il était convaincu de ce vice énorme. Il pensait, il jugeait par lui-même, au lieu de suivre aveuglément l'autorité et l'exemple. L'abbé Pirard ne lui avait été d'aucun secours. Il en eût été bien autrement s'il eût choisi l'abbé Castanède. Du moment que Julien se fut aperçu de sa folie, il ne s'ennuya plus. Ce fut alors qu'on se vengea de lui. Ses avances furent accueillies par un mépris qui alla jusqu'à la dérision. Le mal à réparer était immense, la tâche fort difficile. Désormais, l'attention de Julien fut sans cesse sur ses gardes. Il s'agissait de se dessiner un caractère tout nouveau. « Quelle n'était pas ma présomption à Verrières ?» se disait Julien. « Je croyais vivre. Je me préparais seulement à la vie. Me voici enfin dans le monde, tel que je le trouverai jusqu'à la fin de mon rôle, entouré de vrais ennemis. La science n'est donc rien, ici ?» se disait-il avec dépit. Le progrès dans le dogme, dans l'histoire sacrée, etc., ne compte qu'en apparence. Ces premières places que j'obtiens toujours n'ont servi qu'à me donner des ennemis acharnés. Chazel, qui a plus de science que moi, jette toujours dans ses compositions quelques balourdises qui le fait reléguer à la 50e place. S'il obtient la première, c'est par distraction. Ah, qu'un mot, un seul mot de M. Pirard m'eût été utile. Sans cesse, Julien trouvait écrites au charbon sur les murs des corridors des phrases telles que celle-ci. Qu'est-ce qu'une soixantaine d'épreuves mises en balance avec une éternité de délices ou une éternité d'huile bouillante en enfer? Il ne les méprisa plus. Il comprit qu'il fallait les avoir sans cesse devant les yeux. Julien réussissait peu dans ses essais d'hypocrisie de gestes. Il tomba dans des moments de dégoût et même de découragement complet. Il n'avait pas de succès, et encore dans une vilaine carrière. « Et quand je réussirai, se disait-il, avoir toute une vie à passer en si mauvaise compagnie ?» Ce moment fut le plus éprouvant de sa vie. Il lui était si facile de s'engager dans un des beaux régiments en garnison à Besançon. Il pouvait se faire maître de latin. Il lui fallait si peu pour sa subsistance. Mais alors plus de carrière, plus d'avenir pour son imagination. C'était mourir. « Eh bien, j'ai assez vécu pour voir que différence engendre haine », se disait-il un matin. Après plusieurs mois d'application de tous les instants, Julien avait encore l'air de penser. Sa façon de remuer les yeux et de porter la bouche n'annonçait pas la foi implicite et prête à tout croire et à tout soutenir, même par le martyre. Les jours de grandes fêtes, on donnait aux séminaristes des saucisses avec de la choucroute. Les voisins de table de Julien observèrent qu'il était insensible à ce bonheur. Ce fut là un de ses premiers crimes. Ses camarades y virent un trait odieux de la plus sotte hypocrisie. Rien ne lui fit plus d'ennemis. Le bonheur pour ces séminaristes, comme pour les héros des romans de Voltaire, consiste surtout à bien dîner. Après avoir été comme suffoqué dans les premiers temps par le sentiment du mépris, Julien finit par éprouver de la pitié. « Qu'y a-t-il donc d'étonnant, se disait Julien, si l'homme heureux, à leurs yeux, est d'abord celui qui vient de bien dîner et ensuite celui qui possède un bon habit? Mes camarades ont une vocation ferme, c'est-à-dire qu'ils voient dans l'état ecclésiastique une longue continuation de ce bonheur, bien dîner et avoir un habit chaud en hiver. » Un jour, au milieu d'une leçon de dogme, l'abbé Pirard fit appeler Julien. Le pauvre jeune homme fut ravi de sortir de l'atmosphère physique et morale au milieu de laquelle il était plongé. Julien trouva chez monsieur le directeur l'accueil qui l'avait tant effrayé le jour de son entrée au séminaire. « Expliquez-moi ce qui est écrit sur cette carte jouée, » lui dit-il en le regardant de façon à le faire rentrer sous terre. Le jour de mon arrivée à Besançon, vers midi, j'avais faim, j'entrais dans un café, mon cœur était rempli de répugnance pour un lieu si profane. Une dame qui paraissait la maîtresse de la boutique eut pitié de mon air novice. « Besançon est rempli de mauvais sujets, » me dit-elle. « Je crains pour vous, monsieur. S'il vous arrivait quelque mauvaise affaire, ayez recours à moi, envoyez chez moi avant 8 heures. » Si les portiers du séminaire refusent de faire votre commission, dites que vous êtes mon cousin et natif de Genlis. Tout ce bavardage va être vérifié, s'écria l'abbé Pirard, qui, ne pouvant rester en place, se promenait dans la chambre. Qu'on se rende dans sa cellule. L'abbé suivit Julien et l'enferma à clef.